Vous n'allez pas me croire. Non, vous n'allez pas me croire, et pourtant j'ai toujours dit la vérité. C'est une question de santé, vous savez, ça complique moins la vie. C'est une question d'uniforme aussi, demandez à mes chefs. Mes chefs vous diront, Asmaël, c'est une tête de cochon, mais c'est un cœur pur, vous voyez. Et faire cohabiter dans un même corps une tête de cochon et un cœur pur, c'est pas commode. Heureusement, je suis habile, j'ajouterai même diplomate. D'ailleurs, mes chefs vous le diront, ce cochon d'Asmaël, c'est un renard. Mais je m'aperçois que je ne me suis pas présenté, alors je me présente. Voilà. Maréchal des logis, chef Asmaël, de la gendarmerie montée palestinienne, brigade de Bethléem, 15 ans de service, campagne contre les Philistins, campagne contre les Égyptiens, médaille de la reconnaissance biblique. Je serais adjudant d'ailleurs depuis longtemps si je n'avais pas ce fichu caractère. Non, je m'égare. Je m'égare. Et vous savez, quand je m'égare, je le sens tout de suite. Alors, je vous disais donc que vous n'allez pas croire ce que je vais vous raconter. Et pourtant, je vous assure que je n'invente rien. Bon, mon histoire commence le 24 décembre, année zéro, au matin. Et ce matin-là, ma femme me dit... Asmaël ! Asmaël ! Asmaël ! Mais quoi ? Quoi donc ? En allant à la gendarmerie. Oui. Achète-moi 5 livres de châtaigne. 5 livres de châtaigne ? Dans quoi veux-tu que je les mette ? Prends le filet à provision. T'as déjà vu un gendarme en service avec un filet à provision ? Débrouille-toi comme tu voudras, j'en ai besoin. J'ai invité pour ce soir à dîner l'adjudant Zacharie et sa femme. Zacharie, mon supérieur, je l'ai déjà sous les yeux toute la journée. Peut-être, mais comme il a épousé ma sœur... Si elle avait demandé mon consentement, celle-là... Elle ne te l'a pas demandé. Contente-toi d'acheter des châtaignes. Invité Zacharie. Et ce soir, par-dessus le marché. Et pourquoi pas ce soir? Le 24 décembre, c'est un jour comme un autre. Mais exactement, c'est un jour comme un autre. C'est-à-dire que demain matin, je me lève à 6h, comme tous les jours, et tu aurais pu y penser enfin. Je t'ai déjà dit 100 fois, les mondanités seulement la veille du sabbat. Parce que le matin du sabbat, moi je récupère alors. Eh ben, en attendant, on récupère le filet à provision pour les châtaignes. Mais attention, tu prends ma lance dans les mailles. Bon alors, ce soir, dis donc, lave-moi des clabites, j'en ai pas une de propre. Ouais. Mais n'oublie pas de me cirer les cothurnes. Ouais. Cinq livres de châtaigne. Vous savez, comme une rengaine, ces mots revenaient dans ma tête et ranimaient sans cesse ma colère. 5 livres de châtaigne. Comment voulez-vous qu'un gendarme garde sa dignité en achetant des châtaignes, hein? D'autant plus que j'ai horreur des châtaignes, comme j'ai horreur d'ailleurs de l'adjudant Zacharie. Et retrouver les deux au même repas, vous savez, c'était vraiment trop pour moi. Comme cette idée d'inviter des gens aujourd'hui, un 24 décembre, en plein milieu de la semaine. Ma femme aurait vraiment pu attendre un jour férié, d'autant plus que ça manque pas les jours fériés dans le calendrier, il y en a plein. Alors, ces pensées tumultueuses agitaient ma cervelle, vous savez, tandis que le filet contenant les châtaignes se balançait au bout de ma lance. Ça veut dire que j'arrivais à la gendarmerie dans un état voisin d'apoplexie. Et devant le bureau, une file de particuliers s'allongeait démesurément. La première personne que je vis en entrant, ce fut Zacharie, mon adjudant. Tombait bien celui-là. Maréchal des logis chef Asmaël. Oui, mon adjudant. Et ces gens qui font la queue devant notre bureau. Oui, je les ai vus, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils attendent? Des bons de soupe? Non. Ils viennent pour se faire recenser. La gendarmerie palestinienne est chargée des opérations. Et voilà, il y a encore de la paperasse. Je vous demande un peu à quoi ça sert de savoir qu'il y a 6 218 467 habitants. Oui, et les impôts, hein? Vous avez songé aux impôts? Ah, oui. Hein? Comment appliquer l'impôt si on ne connaît pas le nombre exact des habitants? Ben oui, je sais, les impôts, ben, c'est encore une invention des temps modernes. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, nous devons recenser. Ordre des autorités d'occupation. Ah, les Romains, c'est toujours les Romains, ils ne savent plus quoi trouver pour embêter les gendarmes, les Romains. Non, écoutez, Asmaël, vous n'avez pas à juger la politique de collaboration préconisée par notre roi, sa majesté Hérode. Ben oui, je sais, Hérode, c'est peut-être un collaborateur, mais moi, je ne le suis pas. Je ne le serai jamais. Les Romains, si vous voulez, je vous dis. Ben écoutez, c'est maintenant, hein? Bon. Je dirai un autre jour. Bon. Vous veillerez à ce que les opérations de recensement se déroulent dans la régularité. Oui, ça. Vous savez que nos compatriotes sont volontiers débrouillards, surtout quand il s'agit de payer des impôts. Alors, ouvrez l'œil. On l'ouvrira, mon adjudant, on l'ouvrira. Ma parole, mais qu'est-ce qui se balance au bout de votre lance? Ah, là-haut? Oui. 5 livres de châtaignes. Oh, des châtaignes! Oh, 5 livres de châtaignes! Oui, c'est pour le dîner de ce soir, mon adjudant. Il paraît que j'aurai le plaisir de vous recevoir et avec madame l'adjudant. Ah, des châtaignes! Oui, des châtaignes! Quel régal! Oh. Figure-toi que lorsque j'étais tout petit, ma maman. Oui, écoute, dites mon adjudant, oui. Déjà à cause de vous, mon adjudant va manger des châtaignes et moi je déteste ça. Mais alors, si en plus il faut que j'écoute les souvenirs de jeunesse. Bon, très bien, hein? Très bien. Alors, il n'y aura plus d'intimité entre nous. Je préférerais. Bon, très bien. En tout cas, tâchez d'ouvrir l'œil, hein? C'est ça, mon adjudant. Oui, chef. Qu'est-ce que vous fabriquez à la fenêtre? Encore dans la contemplation de la lune, je suppose? Non, chef, d'une étoile. Il y a dans le ciel une nouvelle étoile que j'avais encore jamais vue, chef. Une étoile à 8h du matin, vous foutez pas de moi, voir la Chine, non? Ah, j'oserais jamais, chef. Une étoile. Attendez, c'est ma... Poussez-vous, oui. C'est ma gérée. Là, vous voyez, là, ici, je suis tout. Devant vous, là. D'abord, vous n'êtes pas payé pour compter les étoiles, mais pour compter les gens. Vous allez vous occuper du recensement. Le recensement, qu'est-ce que ça veut dire, chef? C'est l'andouille. Le recensement, ça veut dire que... Tu sais, ça signifie que ça consiste... Que... Ah, c'est l'andouille. Je sais plus où j'en suis, mais qu'est-ce que c'est... Où j'en étais? Vous en étiez à l'andouille, chef. Bah, taisez-vous, ça suffit. Oui, chef. Oui, alors écoutez, vous allez me compter tous ces gens qui font la queue devant la porte. Vous les voyez, ils sont là-dedans. Oui, chef. Bon, alors, état civil, qualité, ressources, mais pas de zèle. Alors, pas de zèle. Pas de zèle. Sur toute votre part. Oui, chef. Je ne veux pas que les drachmes de notre pays aillent grossir les caisses des Romains. Voilà. Alors, dans la colonne revenu. Oui. Vous allez faire une colonne revenu. Oui. Alors, vous écrirez. Attendez, vous écrirez. Oui. Qu'est-ce que j'écrirai, chef? Taisez-vous, une minute. Vous voyez pas que je réfléchis, non? Attendez, il faudrait trouver une formule administrative, vous voyez. Administrative, chef? Oui, parce que quand c'est administratif, ça veut rien dire. Alors, attendez, ça y est, j'ai trouvé. Alors, dans la colonne revenu, vous écrirez... Non, regardez-moi. Je vois rien. Pas l'air de me regarder, regardez-moi. Alors, dans la colonne revenu, vous écrirez pour chacun économiquement faible. Vous avez compris? Oui, je sais pas. Oui. Oui, je sais pas aller. Bon, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous avez regardé comme ça en l'air toujours? Vous avez les étoiles, qu'est-ce qu'il y a? Non, chef, c'est... Vous avez quelque chose qui se balance, là, au bout de votre lance. Oui, bon, je sais, mais ce sont des châtaignes. Vous avez jamais vu des châtaignes au bout d'une lance, non? Non, chef. Eh ben, comme ça, vous l'avez vu. Alors, maintenant, venez ici. Alors. Oui, chef. Voilà, maintenant, au travail. Oui, chef. Asseyez-vous là. Là. À votre petit bureau. Voilà, votre petite plume d'oie. Attendez, votre petit parchemin, les petits papyrus. Et maintenant, dépêchez-vous, je veux votre rapport à midi. Dépêchez-vous. D'ici là, j'ai autre chose à faire. Ben oui, j'avais autre chose à faire. La circulation à Bethléem, depuis quelques jours, ça croissait dans des proportions inquiétantes. Il y avait non seulement les originaires de la ville qui revenaient au pays pour se faire recenser, mais encore une foule d'étrangers qui arrivaient des coins les plus reculés, sans qu'on sache au juste pourquoi. Ils en venaient de partout. De Samarie, de Galilée, de Phénicie, même du Liban et de la Syrie, vous voyez, de la Syrie. Mais oui, de partout, au début, à Bethléem. On se réjouissait de cette invasion parce que le tourisme, ça fait marcher les affaires. Mais à présent, nous commencions à nous demander où nous allions fourrer tous ces gens-là. Les hôtelleries étaient pleines. Les habitants avaient loué toutes leurs chambres. On aurait dit que l'univers s'était donné rendez-vous à Bethléem. Au problème du logement s'ajoutaient ceux de l'encombrement, car tous ces étrangers venaient avec leurs équipages. Dans les rues de Bethléem, ce n'était que voitures à chevaux. Il y avait des litières, il y avait des chars à bœufs, des cariolanes. Il fallait d'urgence trouver une solution. Alors, j'eus une idée. Mon adjudant, j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Pour supprimer les embouteillages. Eh bien, quoi? Alors? Eh bien, si Bethléem est embouteillé, c'est parce que les voitures stationnent trop longtemps dans les rues. Il suffirait de limiter le stationnement pour dégager la circulation. Oh, limiter le stationnement, c'est impossible. Impossible, il faudra pourtant y arriver. C'est drôle, je suis né trop tôt, moi, c'est ça mon malheur. Je marche plus vite que mon temps. Écoutez, puisque vous êtes si malin, Smaël, avez-vous une idée de la raison pour laquelle il y a cet afflux de touristes à Bethléem? Écoutez, monsieur, je ne vois qu'une raison, c'est le bon air. Hein? L'air est excellent chez nous. Il y a une petite altitude, la proximité de la mer Morte. Ah tiens, dans la mer Morte, il y a la pêche aussi. À ce propos, j'ai acheté une nouvelle canne à pêche. Ces histoires de circulation m'avaient tellement fatigué que j'éprouvais le besoin de rentrer chez moi pour faire une petite sieste. Ma femme m'accueillit avec son amabilité coutumière. Ah, te voilà. Eh bien, et mes châtaignes? Je les oublie au bureau, je les apporte ce soir. Je vais faire un petit somme. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Eh bien, ça vient d'au-dessus, de chez Madame Sarah. Depuis ce matin, il y a chez elle un tire-mue-ménage. Madame Sarah. Dans le quartier, tout le monde disait que c'était une sainte femme. Et pour une fois, tout le monde avait raison. Elle était toujours là quand il s'agissait de rendre service. Alors que pouvait-il bien se passer chez elle pour qu'il y ait tant de bruit chez des gens si tranquilles? Le devoir d'un gendarme, c'est de tout savoir. Je prêtais une oreille, enfin, rien qu'une oreille, je vous le jure, car de l'autre, je dormais. Tante Sarah, depuis ce matin, nous avons lavé les planchers et les murs de votre demeure. Nous avons disposé des fleurs dans les vasques. Nous avons fait cuire dans le four des gâteaux aux myrtilles et à l'ambroisie. Serait-ce que nous attendons un visiteur? Je ne sais, ma douce Leïla. Je ne sais. Je sais seulement qu'au fond de moi, une voix me dit qu'il faut que je sois prête. Et à quoi devez-vous donc être prête, tante Sarah? Je ne puis te répondre, Leïla. Il y a comme un doux mystère qui plane sur cette ville. Écoute. Écoute son vol léger comme l'aile de la colombe. J'ai peur des mystères, Tante Sarah. Il ne faut pas, mon enfant. Celui-ci nous dépasse, mais c'est un mystère bienfaisant. Lorsqu'il déchirera son voile, la barrière de la vérité inondera notre monde. Les vaincus redresseront la tête. Les solitaires retrouveront la chaleur du foyer. Les malades recouvreront la santé. Ce lien de fraternité qui unissait les hommes dans le berceau des premiers âges, ce lien se trouvera renoué. Je ne comprends pas très bien ce que vous dites, Tante Sarah, mais mon cœur se gonfle d'espérance. Est-ce bien normal, cette joie qui m'inonde, sans que je puisse en expliquer l'origine ni la raison? L'espérance ne s'explique pas, mon enfant. Elle naît en nous comme la vie, dont elle est la source. Abreuve ton cœur à l'espérance, sans crainte de jamais la tarir. Garde-en quelques gouttes sur tes lèvres, afin que tu puisses en éprouver la saveur tout au long de ton chemin. Oh, parlez-moi encore, Tante Sarah, parlez-moi encore. Vos paroles font entrer dans moi une douce chaleur. Vos paroles font briller devant mes yeux la lumière de la vérité. Je suis bien jeune encore, mais pourtant je sentais confusément qu'il existait autre chose que ce que je voyais. Je sentais que mon espérance allait au-delà de ce que je voyais. Et voilà que vous prononcez les mots que j'attendais, que vous donnez un nom aux images confuses qui me hantaient. Oh, merci, ma bonne tante, merci de m'aider à comprendre. Ne me remercie pas, mon enfant. Moi aussi, comme toi, je me suis débattue dans les ténèbres. Moi aussi, le doute m'a étreint parfois. Mais je sens qu'aujourd'hui, tout cela est terminé. L'aube nouvelle se lève sur notre ville. Notre ville? Pourquoi le Seigneur aurait-il choisi notre ville pour y jeter les germes de l'espérance? Je ne sais, mon enfant. Je me souviens seulement des paroles du prophète Michée. Et toi, Bethléem, la fertile, petite parmi les milliers de Juda, tu n'es pas la moindre, car c'est de toi que sortira le chef qui conduira mon peuple d'Israël, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Le chef qui conduira mon peuple d'Israël. Se peut-il qu'un jour nos chaînes soient brisées? Il naît de chaînes qui résistent au souffle de l'espérance. Bien sûr, je ne comprenais pas grand-chose aux paroles de Madame Sarah. Mais, sachant par expérience que cette femme ne parlait jamais pour ne rien dire, je me sentais troublé. Or, vous savez, quand un gendarme est troublé, c'est grave. Et beaucoup plus grave que pour un simple particulier. L'uniforme a besoin de certitude pour tenir ferme sur la carcasse de celui qu'il porte. Et voilà que l'incertitude s'infiltrait en moi. Sournoisement, vous savez, je n'aimais pas ça du tout. Par réaction, je décidai de resserrer d'un cran la discipline qui fait la force de la gendarmerie. Galop ! À volant, c'est mon pic ! Soldat d'Archim ! Le chef ! Qu'est-ce que vous fabriquez encore à cette fenêtre ? Ben, c'est l'étoile, chef. Regardez, on la distingue nettement maintenant, regardez là. Donc, attendez un peu, poussez-vous, vous. Chef, poussez-vous ! Mais oui, je me pousse. Vous voyez une étoile ? Mais là, devant, là. Vous voyez une étoile ? Oui, chef. Écoutez, gendarme Archim. Un Archim, chef. Oui, un Archim, je m'en fous. Si vous continuez à me parler de cette étoile, je vous fous dedans, et avec un rapport à la clé ! Et un rapport à trois étoiles, là. Ça suffit. Le recensement, qu'est-ce qui devient? Il se poursuit, chef, il se poursuit, le recensement. Rien à signaler de particulier? Ah, rien, chef. Parmi les originaires de la ville revenus au pays, il y a un couple dont la femme attend. Qu'est-ce qu'il y a, celui-là? Mais qu'est-ce qu'elle attend, en douille? Elle nourrit, chef, elle nourrit. Enfin, finissons-en. Elle attend ou elle nourrit? Eh bien, chef, elle a des espérances, oui. Pour aujourd'hui ou pour demain, c'est pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ben, c'est que, chef, ce sont des pauvres gens et ils savent pas où loger pour la nuit. Et bien entendu, toujours le même refrain. Depuis une semaine, on dirait que les gens sont devenus fous. Ils arrivent tous à Bethléem, incapables de dire pourquoi ils viennent, et quand il faut les loger, à qui s'adresse-t-on? Au maréchal des logis, chef, Asmael. À Charlim. En Achim, chef. Oui, ça, je m'en fous. Voulez-vous que je vous dise ce que je pense de la gendarmerie? Non, chef. Eh bien, je vais vous le dire quand même. Je commence à en avoir marre de la gendarmerie. Marre, mais oh, alors marre. Chef. Alors, montrez-moi quand même les dossiers. Oui, ouais, chef. C'est donnez-moi là. Ça. C'est là. Ici, là. Joseph Charpentier à Nazareth. Accompagné de son épouse. Celle-ci se trouve en présentement. Bon, pièce jointe. Donnez-moi ça. Voilà. Certificat médical attestant descendant du roi David. Mais dites donc, c'est pas n'importe qui, hein. Et me voilà encore transformé en office du logement. Bon, Anarchim, qu'est-ce que vous faites encore à cette fenêtre, bon sang? Chef, c'est l'étoile qui... Encore l'étoile? Ben, vous savez ce que je vous ai dit, vous, hein? Le rapport, attention, le rapport! Oui, chef. C'est pas le moment de perdre son sang-froid. Bon, ce couple de Nazareth, vous allez essayer de me le caser à la grande hôtellerie à l'entrée de la ville. Au canne de canard, mais il est bourré, chef, il refuse du monde depuis deux jours. Je m'en fous, je veux pas le savoir, exécution repée! Chef. On n'a pas un peu d'autorité dans le métier, on est foutu. C'est à partir de ce moment que les événements ont pris une tournure que le règlement de la gendarmerie ne prévoit pas. Et pourtant, le règlement de la gendarmerie, c'est un monument. Ah, ça, vous pouvez me croire. Seulement, je me suis aperçu ce jour-là que le règlement marche parfois moins vite que l'homme. D'abord, ça a commencé dans ma tête. Et quand un gendarme se met à penser, c'est inhabituel. Puis ensuite, c'est mauvais. J'avais beau savoir tout cela, je n'arrivais pas à oublier cette malheureuse jeune femme qui risquait de donner naissance à son enfant dans les rues de Bethléem. Quel embouteillage ça risquait de provoquer. J'imaginais déjà le maintien de l'ordre gravement compromis. Mais je n'eus pas le loisir de poursuivre davantage mes sombres rêveries. Chef, la brigade de Jérusalem nous signale que tous les bergers de la région sont en marche vers Bethléem. C'est pas possible, avec leur troupeau de moutons. Oui, chef. Non, d'un philistin, il manquait plus que cela. Chef, il y a Anarchim qui ne revient pas. Chef, oui. La brigade de Béthanie nous signale que trois rois étrangers venus du fond de l'Orient approchent de la ville avec leurs équipages, chef. Des rois? Oui, chef. Des rois maintenant? Mais si on se met à recevoir des rois, il va falloir pavoiser, dresser des tribus, des discours, de tout. Avec l'effectif que j'ai, c'est impossible. Et Anarchim qui revient toujours pas. Je m'en souviendrai de la journée du 24 décembre, vous savez. Attention, garde à vous! À mon lance, à mon pic! Mon adjudant? Oui, Asmael, parmi vos recensés, y a-t-il un couple qui attend la naissance d'un enfant? Et pourquoi voulez-vous le savoir? Non, mais ce n'est pas moi qui veux le savoir, c'est le roi Hérode. Le roi Hérode? Qu'est-ce que ça peut lui fiche que des enfants viennent au monde? Il en met tous les jours des enfants. Écoutez, vous n'avez pas à juger vos supérieurs. Toutes les brigades de gendarmerie du pays ont reçu l'ordre de signaler les naissances d'enfants mâles qui se produiront dans les jours à venir. Et en tant que chargé du recensement, vous allez établir une liste de ces enfants et la porter vous-même au palais royal à Jérusalem. Au palais royal? Moi? Vous, vous, et dépêchez-vous. Crevez 10 chevaux sous vous, s'il le faut, le roi Hérode n'aime pas attendre. Et je vous conseille de ne pas faire le malin avec lui. Vous savez que la patience n'est pas son fort. Vous savez que la semaine dernière, oui, il a fait pendre 4 gendarmes. 4 gendarmes? 4 gendarmes. Après l'avoir fait crever les yeux. Crever les yeux, quelle morse. Mais c'est comme ça. Mais vous ne m'avez pas répondu. Avez-vous, oui ou non, connaissance d'une naissance prochaine? Répondez. Hein? Oui, non. Hein? Non, non. C'est vrai. Oui. J'avais menti à Zacharie, mon supérieur. J'avais menti pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de ma vie, je portais un coup à cette discipline qui était jusque-là mon pain quotidien. Pourquoi avais-je menti? Pourquoi? Je n'en savais rien. J'en savais rien. Ce nom m'était venu comme ça. Comme si ça montait du cœur. Dans le règlement de la gendarmerie, les élans du cœur non plus ne sont pas prévus. Et le plus grave, c'est que je m'apprêtais à mentir aussi au roi Hérode. Et Anarchim, là, qui n'arrivait toujours pas. Pourvu que cette andouille n'ait pas gaffé. Oui, aïe, aïe. Chef? Oui, on lève la chaîne. Chef, j'arrive du canne de canard, alors c'est ce que je pensais, ils n'ont plus de chambre de libre. Oui, bon, ça va aller. Alors, pour la femme du charpentier qui attend un enfant. Quelle femme du charpentier? Qu'est-ce qui attend un enfant? Il n'y a personne, personne à ma connaissance n'attend un enfant avec elle, il n'y a personne. Oui, il n'y a personne. Bah, chef, rappelez-vous, c'est vous-même qui m'avez envoyé à l'hôtellerie pour que j'aurais. Non, taisez-vous, moi je t'ai envoyé à l'hôtellerie. Comment je t'ai envoyé à l'hôtellerie? Papa, Arnachim, t'es bien fou, non? Ah, oh ben ça, je vais finir par qu'est-ce le croire, chef. Vous avez parcouru le dossier du charpentier. Qu'est-ce que c'est, ce charpentier? Taisez-vous! Ah, taisez-vous! Ça suffit! Il n'y a aucun dossier au nom de Joseph. Au lieu de t'occuper de toutes ces paperasses, tu ferais mieux d'aller voir à la fenêtre si l'étoile est toujours là. Allez hop! Oh, ben bah, comment, chef? Va regarder ton étoile! C'est vous qui me demandez maintenant! Va regarder ton étoile! Ça suffit! Plus tard, les invocations! Plus tard, les invocations! Pour le moment, regardez votre étoile! Ça suffit! Exécution! Donc, pendant ce temps-là, moi, je vais au palais royal à Jérusalem. Pour votre avancement, chef. Qu'est-ce que c'est, cet avancement? Comment? Vous avez un avancement? Rien. Qui c'est qui a dit ça? Lui, il dit l'avancement. Je sais pas. Il n'y a pas rien. Rien. Je suis très bien comme je suis. C'est toi, Asmael? J'ai failli attendre. Approche, Asmael, approche. N'aie pas peur. Voilà, mon adjudant. Non, je veux dire, monsieur, votre sire, enfin, même majesté, pardon. Tu es ému, Asmael. Mais oui, mettez-vous à ma place, on ne voit pas un roi tous les jours, majesté. Ça va, je te dispense de l'étiquette. Merci. Tu es chargé du recensement à Bethléem. Simple formalité, Majesté la paperasse. Chez nous, gendarmes, c'est quotidien, vous savez. Je ne te demande pas ton opinion sur le fonctionnement de l'administration. Je cherche un enfant qui doit venir au monde dans les heures prochaines. Ah bon, et pourquoi au juste le cherchez-vous ? Asmaël, tu oses questionner ton roi. Ne vous fâchez pas, Majesté, je disais ça comme ça. Nous autres, les gendarmes, quand nous connaissons la nature de notre mission, nous y apportons encore plus de zèle. Voilà. Oui, tu as peut-être raison, Asmaël, j'ai consulté tes notes. Tu ne connais que ton devoir. Je vais donc te faire confiance. Mais malheur à toi si tu me trahis. Je te ferai arracher la langue et crever les yeux. Oui, non, je sais. Cet enfant, il me le faut, Asmaël. Il me le faut. Il menace mon trône, Asmaël. L'oracle me l'a répété. Il naîtra un enfant qui mènera les peuples d'Israël vers la délivrance. Il naîtra un enfant qui arrachera du temple les idoles que tu as placées, qui te chassera de ton royaume et t'enlèvera ton sceptre. Et les oracles ont ajouté que cet enfant naîtrait quelque part du côté de Bethléem. C'est pour cela, Asmaël, que je t'ai fait venir. Tu comprends, Asmaël ? Oui, très vite, sire. Votre Majesté a une façon de me faire lire entre les lignes. Alors, Asmaël, sais-tu si cet enfant est né ? Me l'apportes-tu ? Eh bien, non. Non, Majesté. Croyez bien, je suis désolé, mais pas le moindre nouveau-né à l'horizon. Prends garde, Asmaël ! L'oracle ne peut pas se tromper. Or, il est formel. L'enfant naîtra sous les remparts de Bethléem. Si tu cherches à me tromper... Oui, la langue, les yeux, je sais, mais... S'il ne naît pas d'enfant, j'y peux rien. Je ne peux quand même pas le mettre au monde moi-même. Le règlement de la gendarmerie est muet sur ce point. Je sais qu'il naîtra à Bethléem. C'est pour l'honorer que les trois rois étrangers sont en ce moment en route vers la ville. Voici mon plan, Asmaël. Nous répandrons le bruit que je souhaite moi aussi glorifier cet enfant et qu'il faut me le mener sans tarder dans ce but. Et quand il sera en mon pouvoir... Oh, Asmaël, je n'ai jamais reculé devant rien pour assurer mon empire. J'ai fait périr sur mon ordre Joseph, mon beau-frère, le vieux roi Hyrcan II, Marianne, Asmonéenne, mon épouse bien-aimée, jusqu'à Aristobule et Alexandre, mes propres fils. Alors crois-tu que j'hésiterai devant ce nouveau-né? Crois-tu que ma main tremblera? Non, mais sur ce point, je fais entièrement confiance à votre Majesté. Asmaël, dans quel fichu guépier t'es-tu encore fourré, hein? Qu'est-ce que ça te faisait de dire la vérité à cet Hérode? Bien sûr, il est très antipathique, mais enfin, ne choisis pas ses supérieurs, service. Tout ça, c'est à cause de ta tête de cochon. À moins que ce soit pour autre chose. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je ne veux pas qu'on touche un cheveu de cet enfant. Pourquoi je ne les connais pas? Je ne les connais pas, ce charpentier Joseph et sa femme. Je ne sais même pas à qui ils ressemblent ni à quoi ils ressemblent. Alors pourquoi? Pourquoi suis-je en train de risquer ma vie pour le fils qui va leur naître? Un fils. Et si c'était une fille, hein? Ah non, n'étaient pas roses les idées qui roulaient dans ma tête pendant le voyage de retour. Quand j'arrivais à Bethléem, le jour déclinait déjà fortement. L'encombrement de la ville semblait avoir décuplé depuis mon absence. Et devant la gendarmerie, un rassemblement s'était formé. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, circulez! Pas de badaud dans la gendarmerie, allons! Bon. Anarchie, qu'est-ce qui se passe? Les chefs, ce sont les voitures des trois rois étrangers. Ils sont en ce moment au bureau des passeports pour leur visa. Bon, je vais les rejoindre. Ah, dis donc, attends, avant, viens ici, écoute. Dis donc, tu sais où j'habite? Oui, chef. Alors, au-dessus de chez moi, vit une brave femme, Madame Sarah. Madame Sarah, oui. Oui, sa nièce est en ce moment chez elle. Oui. Alors, tu vas aller la chercher. Madame Sarah? Non, la nièce, sa nièce. Et me l'amener ici. Oui. Mais alors, discrètement. Oh, chef. Tu as compris, mais très discrètement. Vous me connaissez, chef. Très discrètement. Chef, voici les passeports des visiteurs. Bon, donne-moi ça. Gaspard, Melchior, Balthazar, des drôles de noms. Ce sont des noms étrangers. Mais justement, monsieur Gaspard, vous connaissez les règlements en vigueur dans notre pays sur l'immigration. Alors, pour obtenir chez nous un permis de séjour et une carte de travail, ce n'est pas facile. Mais nous ne cherchons pas de travail, nous sommes rois. Oh là là, je connais la chanson, hein, monsieur Melchior. On arrive dans un pays en tant que roi, et puis au bout de quelques jours, on avoue qu'on est sans ressources. D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes des rois? Bon. Regardez ce coffre, seigneur gendarme. Il est plein d'or. Raison de plus, monsieur Balthazar. Il faut le déclarer à la douane. Le contrôle d'échange est très sévère chez nous. Mais cet or, nous n'allons pas le garder pour nous. Il est destiné à un habitant de Bethléem. Et vous croyez qu'un habitant de Bethléem a le droit de recevoir de l'or étranger comme ça? Celui auquel nous ferons présent de cet or n'est pas encore né. Dites donc, je m'excuse, mais dites donc, messieurs, il ne s'agirait pas de vous payer la tête d'un représentant de l'ordre, hein. J'aime les situations claires, attention! C'est très clair, seigneur gendarme. Aujourd'hui, naîtra à Bethléem un enfant qui règnera sur les hommes. C'est pour lui rendre hommage que nous avons traversé les mers, que nous avons franchi les montagnes, que nous avons bravé les tempêtes et les brigands de grand chemin. Nous voulions être les premiers à reconnaître en lui notre seigneur. Mais alors, Hérode ne s'était donc pas trompé? Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir, ce nourrisson, pour qu'avant même qu'il soit au monde, il provoque un tel mouvement? Car maintenant, je crois comprendre pourquoi il y a tant de monde à Bethléem depuis quelques jours. Et dire que sa mère ne sait même pas où elle va le mettre au monde. Que voulez-vous dire, seigneur gendarme? Ceci, messieurs les rois. Si vous voulez que le petit enfant qui va naître puisse vivre, surtout n'en parlez pas à Hérode. Pour le moment, ses parents n'ont pas de domicile fixe. Quand ils en auront un, dans quelques jours, je vous conduirai moi-même auprès du nouveau-né. En attendant, cachez votre or et ne vous faites pas remarquer. Nous vous faisons confiance, seigneur gendarme. Mes collègues et moi suivrons vos conseils. Vous nous reverrez bientôt. Mais attendez. Attendez, une chose m'intrigue. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Comment saviez-vous qu'il fallait venir à Bethléem? Allez, dites-moi ça. Une étoile nous a guidés. Hein? Regardez par la fenêtre, seigneur gendarme. Oui. Elle est là, au-dessus de nous. Hein? Adieu, seigneur gendarme. Ah ben ça alors. Ah ben c'est curieux, je ne vois toujours rien. Qu'est-ce qu'ils ont donc de plus que moi, tous ces gens, à voir des choses que je ne vois pas? C'est énervant à la fin! Maréchal des logis, chef Asmael. Oui. Vous avez vu le roi? Oui, mon adjudant, il émet très antipathique. Non, mais je ne vous demande pas votre avis. Il vous a donné ses ordres? Oui, lui livrer tous les enfants mâles nés à Bethléem cette semaine afin de les faire exterminer. Voilà. Sans blague. Oui. C'est pour ça. Voilà, et quand je vous disais qu'il m'était antipathique, c'était Rod. Asmael, mon vieux, j'ai l'impression que nous sommes dans de sales draps. Qu'en penses-tu? Du moment que vous me tutoyez pendant le service, ça doit aller mal, en effet. Tu as vu cette agitation dans la ville? Tu as entendu ces grondements de la foule? D'ici à ce que nous ayons une émeute sur les bras, il n'y a pas loin. Moi, je vais demander des renforts à Jérusalem. Zacharie, oui, tu vas me faire le plaisir de ne pas broncher. Viens là. Voilà. Nous n'avons rien à craindre, ces gens. C'est pas pour nous qu'ils sont ici. Toi, Asmael, tu en sais plus long que tu n'en dis. J'ai mes petits renseignements. Lesquels? Eh bien... Je ne peux pas. C'est l'hérité, discrétion, motus, bouche-cousue, voilà, c'est la consigne du parfait gendarme. Non, mais pas avec ton supérieur, enfin, là, animal, tête de cochon, allons. Bon, alors, Zacharie. Oui. Je connais l'enfant que cherche Hérode. Où est-il? On a un lieu où, pour le moment, seul Dieu peut aller le chercher. Non, écoute, sois plus clair, hein. Mais enfin, quelle manie ont les gens de notre temps de parler toujours par rapport à l'enfant? Il n'est pas encore né. N'est pas encore né? Non, je disais que cet enfant va bientôt naître. Et qu'il ne tombera pas dans les mains d'Hérode. Ou alors je ne m'appelle plus Asmael. Voilà! Mais alors nous risquons des ennuis. Zacharie, il y a des circonstances où les ennuis qu'on a avec sa conscience sont plus graves que tous les autres. Ça, moi, je t'ai jamais entendu parler comme ça, hein? Ah, ça, je ne te reconnais plus. Moi non plus, ça m'inquiète un peu, mais j'y peux rien. Comme une force qui me pousse. Tu me comprends, Zacharie? Non, pas du tout. Mais alors ça fait rien. Moi, je me comprends très bien, laisse-moi faire. D'accord. Dis donc, toutes ces histoires, ça ne risque pas de compromettre le dîner de ce soir, hein? Hein, parce que moi, j'adore les châtaignes. Ne t'inquiète pas, tu les mangeras, tes châtaignes. Bon, dis donc, Zacharie, viens un peu avec moi à la fenêtre. Mais qu'est-ce qui te prend encore? Voilà. Regarde dans le ciel. Bon, est-ce que tu aperçois pas une étoile? Une étoile qui bouge. Comment? Dans le ciel? Regarde dans le ciel! Oui, regarde dans le ciel, voilà. Alors, une étoile qui bouge, est-ce que tu vois une étoile qui bouge? Une étoile qui bouge dans... Ah non. Eh ben, il y en a quand même un comme moi qui voit rien. Pendant que je mettais Zacharie dans ma poche, c'est-à-dire dans le complot, Arnachim se hâtait vers la maison de Madame Sarah, auprès de laquelle je l'avais chargé d'une mission de confiance, vous vous en souvenez? Ma tante, regardez, un gendarme se dirige vers notre maison. Je le reconnais. C'est un homme de la brigade d'Asmael, notre voisin. Oh, Seigneur, que peuvent nous vouloir les gendarmes? Ne tremble pas, Leïla. Nous n'avons rien à craindre de personne. Nous sommes sur le chemin de la vérité. Oh, tante Sarah, je ne sais pas ce qui m'agite. Je sens en moi comme un trouble profond. Que va-t-il m'arriver? Rien que de très heureux, mon enfant. Prends ma main. Atteste ton émoi. quand le Seigneur décide de nous enlever à la monotonie des jours, quand il nous choisit pour une mission, quand il décide que nous devons nous élever au-dessus de notre misérable condition humaine, il faut obéir, Leïla. Obéir avec confiance. Si tu dois aller loin de moi, c'est le Seigneur qui guidera tes pas. Merci, Tante Sarah. Maintenant, je n'ai plus peur. J'irai jusqu'au bout. Le gendarme est à notre porte. Il heurte le marteau. C'est toi qu'il vient chercher. Le destin utilise parfois comme instrument ses plus humbles serviteurs. Va, mon enfant. Va. Et fais tout ce que l'on te dira. Chef, la jeune fille est là, chef. Ah, c'est bien celle que je cherchais. Pour une fois, tu ne t'es pas trompé. Mais donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui a entravé les mains de cette jeune fille? Qui lui a passé ses chaînes? Et moi, chef, elle m'avait dit d'aller la chercher, alors je l'ai bouclé, moi. Ah, j'ai l'air dans la lune, mais en opération, je suis inflexible, chef. Comme ça, j'étais sûr qu'elle s'échapperait pas, chef. Oh, vous rendez compte. Arnachim, dites-moi, je vous ai souvent dit que vous étiez une andouille. Ah, c'est vrai, chef. Eh bien, j'avais tort. Oh, chef, merci. Merci de me rendre enfin justice. Vous n'êtes pas une simple andouille, vous êtes le roi des andouilles, l'empereur des andouilles, chef. L'andouille en chef, l'andouille supérieure, l'andouille suprême. Ce qu'on fait, chef. Ce qu'on a fait, qu'on fera jamais de mieux comme andouille. Là, allez, disparaissez de ma vie. Chef. Allez, fuyez, démissionnez, désertez. Suicidez-vous, faites ce que vous voudrez, mais que je ne vous vois plus jamais. Là, tenez, allez, regardez votre étoile. Ou mieux encore, va te pendre, là, chef. Avec une corde. Allez, allez, ça suffit. Ah, excusez-moi, à nous deux, mademoiselle. Monsieur, est-il indispensable que mes mains demeurent attachées? Mais non, mais c'est juste, mais pardonnez-moi, j'ai la tête d'émotion. Mais non, d'infinistan, j'ai jamais vu des chaînes aussi bien rides. J'arrive pas à les enlever. J'arrive pas. Arnachine, chef. Oui, chef, voilà. Où je t'ai appelé? Je m'ai appelé, chef. Qu'est-ce que tu fais avec cette corde autour du cou, toi? Ah, mais vous m'avez dit de me pendre, chef, alors j'étais en train de me pendre. Ah, c'est quand même beau, la discipline. Tu es une andouille, mais tu as le sens de la hiérarchie. Allez, hop, défais les chaînes. Hop, défais les chaînes. Merci, monsieur Arnachim. De rien, mademoiselle, c'est tout naturel, vous savez. Vous êtes si... Oui, ça suffit, ça suffit. Allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en. C'est mignonne. Ça suffit. Non, mais dites donc. Allez-vous-en, Arnachim. Fermez la porte. Là. Ah, mademoiselle, vous êtes un cœur pur. Oh, monsieur, je ne sais pas si je suis... Si, vous êtes un cœur pur, et ça se voit au premier coup d'œil. Le coup d'œil, je l'ai, vous êtes un cœur pur, et moi, justement, j'ai besoin d'un cœur pur pour une tâche que je ne peux remplir moi-même à cause de mon uniforme. Et puis aussi parce que, entre nous, tout à fait entre nous, je ne suis pas un cœur pur. Oh, mais si, monsieur, vous êtes un cœur pur. Oh, non, oh, oui, c'est ce que je dis. Mais heureusement, je vous ai sous la main. Bien parlé, je vous obéirai. Bravo, voilà une belle réponse. Vous avez le sens de la discipline, hein, mademoiselle. Vous auriez fait un excellent gendarme. Quel dommage qu'en Palestine, les femmes ne fassent pas leur service militaire. Enfin, ça reviendra peut-être un jour. Bon, pour le moment, j'ai une mission délicate à vous confier. Voilà. Écoutez, parmi les étrangers arrivés ici aujourd'hui, il y a un homme et une femme qui courent de graves dangers. La femme attend un enfant, et le roi Hérode s'est mis dans la tête que cet innocent, qui n'est même pas encore au monde, pouvait lui chipper son trône. Je vous demande un peu, où vont-ils chercher leurs idées, les rois? C'est comme tous ces gens qui s'intéressent à ce nouveau-né, il y a sûrement quelque chose qui se cache derrière tout ça. Mais enfin, c'est pas mon affaire, moi le mystère, c'est le rayon de la police judiciaire. Le gendarme, lui, doit sa protection aux faibles. Et voilà pourquoi je ne veux pas qu'on touche au nouveau-né en question. Et vous dites que vous n'êtes pas un cœur pur. Il n'est pas nécessaire d'être un cœur pur pour empêcher cet enfant d'être étranglé. C'est normal, il me semble. Bon, il est vrai que du temps où nous vivons, on ne sait plus ce qui est normal et ce qui n'est pas. Monsieur Asmael, oui. Si vous me disiez ce que vous attendez de moi. Ah bah oui, c'est juste. Alors, vous me semblez une fille décidée, hein? D'autre part, une jeune fille. Ça passe plus inaperçu qu'un gendarme. Alors, vous sentez-vous capable de retrouver ce couple et de le guider vers un lieu que je vous indiquerai? Je crois que je le reconnaîtrai entre mille. Où dois-je les conduire? Autour de Bethléem, il y a des grottes. Oui. Vous voyez où elles sont? Bon, alors jadis, les premiers habitants de la ville ont vécu dans ces grottes. Mais aujourd'hui, elles ne servent plus qu'à abriter le bétail en hiver. Alors, vous les mènerez dans l'une de ces étables. Dans une étable? Ça va être amusant. Oui, ça va être amusant, mais pas très confortable. Seulement, si je les loge dans un hôtel, on peut les retrouver à cause des fiches. Et alors, quick, vous comprenez? Hérode. Alors, dans ces grottes, Ils seront en sécurité. Ils pourront y passer la nuit. Et demain, il fera jour. Oui, monsieur Asmael, il fera jour. La lumière brillera comme elle ne l'a jamais fait. Le soleil inondera les visages et les cœurs. Alors, ma fille, allez vite et que le ciel vous garde. Ah, ça, Asmael, mais qu'est-ce qui te prend? Te voilà maintenant qui parle comme une vieille dévote de l'Antiquité. Je me reconnais de moins en moins, mais si on m'avait dit seulement hier que j'aiderais des inconnus à dormir à Bethléem sans remplir de fiches de police. Mais depuis ce matin, il m'est arrivé tant de choses que je ne sais plus où est la vérité pour un gendarme. Ah, arrête, Asmael, arrête de penser, ou alors tu es perdu. Mais non, monsieur Asmael, vous n'êtes pas perdu. Au contraire, vous n'avez jamais été si près de la vérité. C'est celle des gendarmes et celle des autres, parce que c'est la même. Vous comprenez? Non, pas très bien, mais en fait, ça fait rien. Dites-moi, vous qui avez l'air d'en savoir long, venez avec moi. Là. Approchez-vous de la fenêtre. Là. Alors, vous y êtes. Regardez bien le ciel, regardez-le. Est-ce que vous voyez, dans ce ciel, une étoile qui bouge? Bien sûr. Hein? Elle est là-haut, tout au bout du firmament. Ah, bah, elle est si claire, si limpide. Comme le phare qui guide les naufragés sur l'océan déchaîné. Comme la fumée qui s'échappe de la cheminée pour mener l'enfant prodigue vers le foyer. Comme l'oasis qui surgit au milieu du désert pour étancher la soif du voyageur égaré. Elle est là, l'étoile. Et c'est elle qui me mènera vers les inconnus. Oui, monsieur Asmael, je vois une étoile. Ben merci, mademoiselle. Moi, je la vois toujours pas et je vais finir par me sentir vexé d'être le seul. Quand je pense que cette andouille d'Arnachim la voit. Enfin, bon, encore une chose. C'est malheureux. Ils n'ont sans doute pas beaucoup à manger. Alors, tenez, mademoiselle Layla, prenez ça, vous leur donnerez. Qu'est-ce que c'est? C'est 5 livres de châtaigne, c'était pour le dîner ce soir. Tant pis, ma femme va me passer quelque chose. Le roi, ma femme, qu'est-ce que je me fais comme ennemi aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? C'est terrible! Une arrivée de moutons envahit la gendarmerie, il y en a partout! Regardez, c'est fait un partout! Voulez-vous flanquer tous ces moutons d'or? Voulez-vous flanquer? Qu'est-ce que vous affichez les moutons? Ce sont les moutons des bergers! Si vous affichez les moutons, s'ils s'en gênent! Mais faites quelque chose à nous chercher des loups, faites-les dévorer! Ah, chef! Voilà les bergers, justement! Alors! Ah, ben dites donc, vous, héo! C'est vous le pape? On vous a pas appris la différence entre une gendarmerie et une bergerie, hein? Pardonnez-nous, seigneur gendarme. Hein? Nous sommes des bergers qui menions nos troupeaux paisiblement. Nous avions installé notre campement bien au-delà de Bethléem. Puis en soudain, nous avons compris qu'il nous fallait lever le camp et nous mettre en marche. Une force nous poussait, une force à laquelle nous ne pouvions résister. Alors poussant devant nous nos troupeaux, nous avons pris la route. Au début, nous ne savions pas où diriger nos pas, nos cœurs étaient impatients, mais nos jambes étaient ignorantes de la route à suivre. Alors c'est alors que s'est levée dans le ciel une étoile. Une étoile? J'en étais sûr. J'en étais toi aussi. Mais toi aussi, tu l'as vu, cette étoile? Le seul. Je serai donc le seul à Bethléem avec cet imbécile de Zacharie. Maréchal des logis, chef Asmael, vous appeliez votre supérieur? Ah, hélas, mon pauvre Zacharie. J'ai bien l'impression que ce soir, tu n'es plus mon supérieur, mais mon égal. Seigneur gendarme, je peux partir? Parce que mes amis et moi, nous avons encore de la route à faire. Faut aller vers une étable, alors. Eh oh, reste... Qu'est-ce que tu as dit? Une étable? Tu as dit une étable? Comment connais-tu l'existence de cette étable? Ben, je ne sais pas, seigneur gendarme, ma langue a marché toute seule. Une voix m'a dit soudain qu'il fallait aller vers une étable. Bon, adieu, seigneur gendarme. Adieu. Une étable? Mais alors je ne peux prendre aucune décision dans le secret de ma tête sans qu'on en soit aussitôt informé. On sait tout. Mais qui c'est ça? Qui ça peut être? Zacharie, nous vivons une drôle de journée. Ah oui, heureusement, se termine. Tu as vu l'heure, il est 9h20. Alors, on va le faire, ce dîner, oui ou non? Moi, je crève de faim. Et à l'idée de déguster une délicieuse purée de châtaignes, quand même. Mais écoute, ne te réjouis pas trop vite, parce que tes châtaignes, mon pauvre Zacharie... Quoi dans mes châtaignes? Ah, tes châtaignes, elles n'iront pas dans ton assiette, voilà. En ce moment, elles suivent un chemin ou les guide une étoile. Attention, une étoile qui guide des châtaignes? Non, mais tu te payes ma tête, Asmael. Non, Zacharie. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Mais je te le dis, nous vivons une drôle de journée. Le jour va s'achever. Avant qu'il ne s'achève, le miracle que les hommes attendent s'accomplira. Mais ce miracle, les hommes ne l'attendront pas assis dans leur demeure devant leur feu. Ils vont quitter leur demeure. Ils vont laisser s'éteindre leur feu et ils vont aller au-devant du miracle. Ils vont ouvrir les yeux sur le miracle. Ils vont le toucher, le mêler à leur chair comme à leur esprit. De ce miracle, ils vont faire un événement humain, naturel. De ce miracle, ils vont prendre leur part et la léguer à leurs enfants comme le plus précieux des héritages. Ils seront là les témoins, tous les témoins, et ils diront « J'ai vu avec mes yeux, j'ai entendu avec mes oreilles, j'ai compris avec mon cœur. » Ils seront là les témoins, tous les témoins, et ils diront « Ô vous qui n'étiez point présents en cette nuit divine, recueillez vos paroles et répétez-les jusqu'à ce que les arrière-petits-enfants de vos arrière-petits-enfants les connaissent par cœur. » Ils seront là les témoins, tous les témoins, et ils diront « Ô vous qui soupirez au fond de votre infortune, ô vous dont les chaînes entravent les chevilles, ô vous qui êtes touchés, frappés en pleine poitrine par l'injustice, voici le chemin de l'espérance. Les broussailles qui l'obstruaient se sont écartées. Désormais, il va tout droit le chemin de l'espérance. » Et la terre dont il est pétri sera douce sous vos pieds. Ainsi parleront ceux qui auront été les témoins de ce jour fastueux. Et aussitôt, par le monde, s'élèvera le même chant. Le chant des hommes de bonne volonté, enfin réunis dans une même fraternité. Asmaël, qu'est-ce qu'elle a à parler toute seule, Madame Sarah, ta voisine? Tu crois pas qu'elle est un peu fatiguée? Non, Zachary, non. Jusqu'à présent, j'étais comme toi, une andouille. Tu dors. Laisse-moi finir, veux-tu? Je vénérais Madame Sarah, mais je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Mais depuis ce soir, j'ai l'impression que je commence à comprendre. Eh bien, tu as de la veine, parce que si tu pouvais m'expliquer. Inutile, Zachary, inutile. Tu vas faire comme moi, tu vas comprendre tout seul. C'est pour ça que je t'ai entraîné derrière la porte de Madame Sarah, pour que tu l'écoutes. Tu savais qu'elle parlait toute seule? Oui, depuis ce matin, elle ne fait que ça. Je te le répète encore, Zachary, nous vivons une drôle de journée. Ah oui, une drôle de journée qui se termine bien mal, moi. Je me faisais une fête à l'idée de cette purée de châtaigne. Elle est maintenant plus de 11 heures. Oh, écoute. Ah, depuis longtemps, la nuit est tombée, je vais aller me coucher sans même avoir soupé. Zachary, es-tu toujours le cavalier fringant qui restait 24 heures sans descendre de cheval il y a 20 ans? Ah oui, allez, c'était il y a 20 ans. Allez. J'ai beau appartenir toujours à la gendarmerie montée palestinienne, je t'avoue, je suis plus à mon affaire dans mon hamac que sur mon cheval. Allez, Zachary, un effort, un dernier effort. Ah. Fais-moi plaisir, retrouve tes 20 ans, rien que pour une heure. Ah, comme si c'était facile. Et si je les retrouve, qu'est-ce que j'en ferai? Tu me les confies et tu ne t'occupes de rien. Allez, viens. Qu'allons-nous faire? Nous aussi, nous allons être les témoins dont parle Madame Sarah. Suis-moi, allez, grimpe sur ce cheval sans bruit. Je tiens pas à tomber sur ma femme. Oui. Doucement. Asmaël, c'est toi? Et toi aussi, Zachary? Oui, c'est nous, en effet, c'est nous. Elle a une jolie voix, ta femme. Vaurien! Misérable vaurien! Oh, faire du tapage nocturne avec les uniformes que vous portez sur le dos. Le tapage nocturne n'est pas une question d'uniforme, c'est une question de circonstance. Oh, ma sœur et moi, nous étions folles d'inquiétude. Rentrer dîner à des heures pareilles, c'est une honte. Mais aussi, nous ne rentrons pas dîner. Voilà, nous sommes venus chercher nos chevaux, nous avons une longue course. Tu veux dire que vous êtes en service à cette heure-ci? Mais ça ne t'est jamais arrivé. Depuis ce matin, il ne m'arrive que des choses qui ne me sont jamais arrivées, alors hein? Bon, alors viens, Zachary, nous allons être en retard. Allez, mais... Oh! Nous sommes partis dans la nuit, mon adjudant, le beau-frère et moi-même. Mais pour une fois, c'était l'adjudant qui obéissait. Il me suivait comme il pouvait, Zachary. Il faut dire que je galopais comme je ne l'avais jamais fait. Ce n'était plus un cheval que j'avais, c'était Pégase. Nous volions, lui et moi. Et croyez-moi, un gendarme qui vole, c'est un joli spectacle. Et tout en volant, je repassais dans ma tête les événements qui s'étaient déroulés depuis le matin. Mais à présent, sans que je sache au juste pourquoi, il m'apparaissait comme tout naturel. Je ne m'étonnais plus de rien. J'étais devenu un autre homme. Voilà tout. Et cette sensation de découvrir un inconnu dans ma peau ne m'était nullement désagréable. Il y avait si longtemps que je me connaissais que je n'étais pas fâché de ne plus me reconnaître. Soudain, il y eut devant nous un barrage. C'était des soldats romains. L'armée d'occupation avait-elle flairé quelques dangers dans ce qui se préparait? Halte là, on ne passe pas! Gendarmerie montée de Palestine! Gendarmerie ou pas, on ne passe pas, sur les ordres! Et laissons tomber, Asmaël, tu connais les consignes d'Hérode. Pas d'incident avec les autorités d'occupation. Pas d'incident, tu vas voir s'il n'y aura pas d'incident. Je veux parler au chef centurion, Iotro. C'est moi. Que veux-tu, gendarme? De l'air, simplement un peu d'air. Que vous occupiez la terre de mon pays passe encore, mais l'air, il est à tout le monde, alors je veux ma part. Voilà. Ces indigènes parlent toujours par parabole. Que Jupiter m'emporte si je comprends un mot de ce que tu racontes. C'est pourtant simple, je veux que vous débarrassiez, toi et tes hommes, l'air que je respire. Impossible. Nous avons reçu du gouverneur la consigne d'occuper la région de Bethléem et de veiller au maintien de l'ordre. Nous veillons. Écoute, tu as un aspect un peu frustre, mais on ne peut pas t'en vouloir. Hein? On n'est pas militaire de carrière impunément. Bon, mais tu as l'air sympathique et je vais te donner un conseil. Laisse tomber. Cette affaire te dépasse. C'est une affaire de famille que nous devons régler entre nous, entre indigènes, comme tu dis. Alors, si les Romains s'en mêlent, ça va tout compliquer. Tu crois? Pourtant, le gouverneur a été formel. Varus, m'a-t-il dit. Prends ta légion et amène-la sur les rives de la mer Morte. Il s'y prépare des choses sport d'hier, à ce qu'on dit. Mais il ne faut jamais écouter les candidats. D'ailleurs, si tu veux mon avis, tes légions et toi, vous ne pouvez plus grand-chose dans cette histoire. C'est trop tard, mon vieux Varus. Trop tard? Mais j'ai là 200 centurions, 400 fantassins armés de flèches et plus de 100 lances. Crois-tu qu'il en faut davantage pour écraser la populace? Varus, tu me fais de la peine, mais tu me fais de la peine. Sincèrement, je sais que tu es un militaire. Bon, mais quand même, il y a une tête sur tes épaules. Il ne te vient jamais à l'idée de t'en servir? Non, hein? Tu n'as jamais tenté de mettre en marche les rouages de ta cervelle? Comme elle doit être rouillée depuis le temps qu'elle ne sert pas. Je t'ai déjà dit que je n'entends rien en parabole. Tu peux écraser la populace, Varus, mais ça ne te servira à rien si tu n'écrases pas les idées en même temps. Et ça, mon bonhomme, ni tes centurions, ni tes fantassins, ni tes cavaliers sont fichus de le faire. Varus, ce qui se passe en ce moment, c'est de l'histoire. Est-ce que tu comprends? De l'histoire? Hein, tu crois? Mais oui, mon vieux, ça nous dépasse, alors écrase, tu comprends? Laisse tomber pendant qu'il est encore temps. Ne te mouille pas, emmène tes hommes voir ailleurs s'il n'y a rien. Rentre à Jérusalem, t'as vu une petite amie à Jérusalem? Bien sûr. Et drôlement girant. Rebecca, qu'elle s'appelle. C'est la fille du potier. Bon, eh ben, écoute, va la retrouver avant qu'elle en ait trouvé un autre. Allez, va. Mais le gouverneur... Oui, mais non, mais tu lui diras que tout était calme et qu'il ne s'est absolument rien passé à Bethléem dans la nuit du 24 au 25. Alors, va vite, allez. En te dépêchant, tu peux arriver à Jérusalem pour prendre le petit déjeuner avec Rebecca. Tu as raison, j'y cours. Une qui va être surprise, c'est Rebecca. Ah, dis donc, Varus. Varus, je vais te dire... Envoie quand même un messager avant pour prévenir Rebecca. Avec les femmes, ça vaut mieux pas abuser de l'arrivée à l'improviste. Les légionnaires romains quittèrent les lieux. Zacharie et moi reprîmes notre route. Bientôt, la foule devint de plus en plus dense. On se serait cru sur les boulevards de Bethléem un jour de fête. Et tout ce monde avait une même destination, l'étable. Zacharie, nous allons finir à pied. Tu peux descendre de ton cheval. Ah, mais c'est pas trop tôt, hein. Moi j'ai les reins en marmelade. Tu vois, Asmaël, la cavalerie, tant qu'on veut, mais à condition d'être dans les bureaux. Chut, tais-toi, Zacharie, et viens. Regarde, voilà l'étable. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chant de l'espérance. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est encore le chant de l'espérance. Mais quand un bœuf mugit et quand un âne braye, tu appelles ça le chant de l'espérance, toi? Pas toujours, mais cette nuit, oui. Ça, Zacharie, oui. Regarde dans le ciel, je la vois, l'étoile. Regarde, je la vois. Et quelle étoile? Là-haut, là. Ah, mais moi aussi, je la vois. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, Asmaël? Ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que c'est très bon signe. Regarde, elle s'est arrêtée au-dessus de nos têtes. Nous sommes arrivés, Zacharie, nous sommes arrivés. Décidément, ce 24 décembre, ça a été une drôle de journée. Asmaël, tu te trompes. Il est minuit passé. Nous sommes le 25 décembre. Le 25 décembre? Eh bien, je te donne ma parole que je m'en souviendrai du 25 décembre. Oh, hey. Regarde.